Alors bon, ça recommence. Cochenille, au secours, au secours, mais tu vas me faire mourir. Voilà ma chanson. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada. Trouverai-moi, connais-moi, c'est-il, trouverai-moi. Yeah.